Bah, rallume ton micro sur TS, comme ça au moins je peux t'entendre. Mais tu dois pouvoir laisser ton casque Wi-Fi là. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi je m'entends en double. Allô? Ah ouais, là voilà, là je m'entends. Ouais, mais je m'entends plus du tout. Tu m'entends pas dans le logiciel? Mais je comprends pas, tu devrais m'entendre. Tu m'entends faire de la guitare au moins? Et quand je te parle, j'entends pas. Ouais, tu m'entends dans le logiciel. Aussi, quand je parle. Mais c'est bah mieux que le TS, je parle là. Allô, allô, est-ce que tu m'entends parler? Est-ce que tu m'entends parler? Ouais, tu m'entends parler normalement. Allô? Allô, allô, allô, allô, allô. Allô. Ben normalement, c'est obligé, tu m'entends parler, je vois le truc modulé quand je parle. Attends. Ouais, voilà. Donc par contre, moi, je m'entends aussi, ça m'énerve beaucoup. C'est très désagréable. Allô, allô. Oui, mais ça, je sais pas comment tu fais. Faut que tu. En fait, c'est pour l'instant, c'est ou la basse ou le micro, tu vois. T'as pas les deux en même temps là. Tu vois. À moins que tu arrives à mixer les deux en même temps. Mais par contre, je sais pas comment on règle le métronome, ça m'énerve. Sinon, normalement, tu peux faire add channel. À mon avis, il faut que tu rajoutes. Je sais pas, je comprends rien.